Dialogue. Il y a sans doute une solution. Écoutez. Allô, Paul, ici Valérie. Bonsoir, qu'y a-t-il? Je suis désolée, passez une bonne soirée. Moi, je ne peux pas venir chez vous ce soir. Pourquoi? Que t'est-il arrivé? Ma mobylette est en panne et mes parents ne peuvent pas m'accompagner. Patiente un instant, il y a sans doute une solution. Je peux peut-être venir te chercher. Prépare-toi vite, je passe te prendre. Quelle chance! Répétez. Allô, Paul, ici Valérie. Bonsoir, qu'y a-t-il? Je suis désolée, passez une bonne soirée. Moi, je ne peux pas venir chez vous ce soir. Pourquoi? Que t'est-il arrivé? Ma mobylette est en panne. Et mes parents ne peuvent pas m'accompagner. Patiente un instant, il y a sans doute une solution. Je peux peut-être venir te chercher. Prépare-toi vite, je passe te prendre. Quelle chance!